shit, fuck, yeah, fuck, banks, never, never, wrong, new, shit, never, yeah, fuck, new, yeah, shit, never, shit, fuck, banks, yeah, test, some shit, fuck, wrong, new, shit, Et je sais que ta meuf la chouin veut nous faire des bisous. Des comptes remplis sa mère, j'sais même plus de quoi j'ai besoin. À 10h en fumette, à minuit en buvette. Si ça part en sucette, j'ai quelques millimètres près de moi. Tu fais le gros caïd, tu me parles gros calibre. Ya, ya, Edman Gain, yo, touche pas la cocaïne. Ya, près de ma famille, près de mes amis, près de ma maille. Près de mon fusil, près de mon neuf, près de mes boys. Wesh le J, tout comme moi, t'as rêvé d'être millionnaire. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que c'est même plus un rêve. AMG, j'ai le pack 4, sortie de peau, t'inquiète la mise, j'suis en place, j'connais bien le réseau. Et j'ai mes raisons de les revendre la résine. Yo, frénésie, jalousie, ennemi, quelle vie. Quelle vie, j'suis dans la belle villa avec une belle fille. Pas de selfie, t'es petit, trop d'appétit. Yo, yo, si t'as un blème, tell me, tell me. Alors, ils aimeraient me voir en galère. Yo, yeah, wow, yo, j'ai les nicks. Yo, quelle vie, yo, un RS6, ça veut le nîme de la folle. Yo, fais demi, yo. Et j'sais que ta meuf la chouin veut nous faire des bisous. Des comptes remplis sa mère, j'sais même plus de quoi j'ai besoin. À 10h en fumette, à minuit en buvette. Ça part en sucette, j'ai quelques millimètres près de moi. Tu fais le gros caïd, tu me parles gros calibre. Ya, ya, Edman Gain, yo, touche pas la cocaïne. Ya, say me, tu parles que de me. Un ovni en calendji, calendji, calendji. Yo, c'est le week, j'fume un peu de weed. J'baisse la vite, j'fais le signe, j'fais le signe, j'fais le signe. Cette chip, j'investis. Yes. Le pot écrit à main bench. Yes. Doré de platine. Yes. Saint-Laurent, Givenchy. J'viens de loin comme E.T. Comme Kylian à Panama. Quand ils croient que c'est fini, ben j'leur glisse la banane. Mode S, ceinture rouge comme les loups. J'donne le go et j'marche aux States. J'ai les bons alibis, j'ai les bons avocats aussi. Le moteur et la carrosserie, je n'ai que de la haine à offrir. Et pourtant ça reçoit de l'amour, je la vendrai jusqu'à qu'il fasse nuit. On vend la mort mais rien que sa vie. On vend la mort mais rien que sa vie. Et je sais que ta meuf la chouin veut nous faire des bisous. Des comptes remplis sa mère, j'sais même plus de quoi j'ai besoin. À 10h en fumette, à minuit en buvette. Si ça part en sucette, j'ai quelques millimètres près de moi.